Monsieur Luc Allard et toute l'équipe des excavations Propel d'Albanel vous souhaitent un joyeux Noël et une excellente année à toute la population et désire remercier sa clientèle pour leur fidélité. Et n'oubliez pas, pour votre déneigement résidentiel ou commercial, les excavations Propel d'Albanel, ce sont eux qu'il faut appeler au 418-279-3118. Les employés et la direction de la coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien souhaitent un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Notre équipe vous souhaite avant tout la santé et que tous vos projets se réalisent. La coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien est une entreprise importante dans le secteur avec plus de 10 emplois dans le milieu et œuvre dans le secteur forestier avec son important partenariat avec Résolu. La coopérative de machinerie lourde, 905 Boulevard Amel, Saint-Félicien, 418-679-4194. Les employés et la direction du club de golf Domaine Lac-Saint-Jean désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à tous ses membres. Paix, santé et amour et une bonne saison 2019. Suivez-nous afin de profiter des différentes promotions pendant la prochaine année. Le club de golf Domaine Lac-Saint-Jean, 776 rue principale à Saint-Prime, 418-251-2831 ou visitez legolfsaintprime.qc.ca ainsi que la page Facebook. La période des fêtes est maintenant chose du passé. Partez l'année du bon pied chez Canadian Tire avec le tapis roulant en solde à 549,99 $. Un rabais de 70%. Panneau solaire de marque Cristallin avec rabais de 330 $. Bac emboîtable à 50%. Les employés du magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini vous souhaitent une bonne année et beaucoup de santé. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. L'équipe de Polaire 3 désire souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population et vous remercie de la confiance témoignée durant l'année 2018. Polaire 3, 373 Avenue de la Friche à Dolbeau-Mistassini, 418-276-5018 ou visitez lepolaire3.com. Samedi 5 janvier, 20h, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite des éclairs de Charlevoix au complexe sportif de Dolbeau. Prix du billet seulement 8 $. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Go Multi Go! On va parler avec notre ami Benoît Lavoie d'Espace Soccer, la référence du soccer 5. Salut Benoît! Salut Danny. Benoît, bonne année à toi. On va parler de... Écoute, t'as tellement fait une bonne chronique qu'il faut en refaire une deuxième. T'as tellement fait un long résumé de la saison 2018. Habituellement, je fais ça en deux blocs avec mes autres invités. Mais là, donc, qu'est-ce que tu t'attends en 2019 sur la planète foot? Évidemment, c'est une moins... ça va être une grosse année pareil parce que c'est moins populaire. Par contre, t'as la Coupe du monde de soccer maintenant, féminine. Et le Canada, habituellement, performe très bien au niveau féminin. Oui, je pense, Danny, que, comme tu viens de le mentionner, le Canada performe très bien. Puis le tirage au sort a eu lieu en décembre dernier. Puis on a vu que le Canada... Je pense que l'équipe canadienne féminine devrait faire un beau parcours. Au moins se classer pour les huitièmes de finale. On sait qu'il n'y a pas 32 équipes comme au niveau masculin. On parle de 24 sélections nationales. Ouais. Le Canada est avec le Cameroun, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas dans leur groupe E. Il faut finir au moins dans les deux premières et on prend les meilleurs troisièmes aussi pour compléter les huitièmes de finale. Donc, moi, je pense que le Canada, l'équipe canadienne, qui est quand même classée numéro 5 au niveau du classement de la FIFA. Donc, ça va être intéressant par rapport à ça, là. OK. Tu as aussi la Copa América, qui est probablement peut-être la troisième en importance après la Coupe du Monde, puis après l'Euro. C'est peut-être le gros tournoi. Il y aura la Copa América cette année également. Oui, mais des coupes continentales, oui. Coupe du Monde, là. Oui, je pense que l'Euro et la Coupe América est quand même côté 3. Ouais. Mais il ne faut pas oublier la Ligue des champions des clubs qui est quand même très haut. On parle des sélections nationales. On parle des équipes nationales. Maintenant, je te dirais aussi, Danny, que la Copa América qui va avoir lieu cet été, on sait que Messi avait mis un petit break pour l'équipe d'Argentine. Je pense qu'on a dit qu'il allait probablement faire un retour quand même pour la Copa América. J'ai l'impression qu'on va le revoir, je l'espère, parce que une compétition sans Messi, on n'a qu'à regarder. C'est quand même lui qui a marqué le plus de buts l'année passée par toute dans toutes les compétitions avec 51 buts. Il a devancé Ronaldo de 2 buts. Donc, écoute, j'ai justement partagé une statistique sur ma page Facebook, là, Sport Soccer. Le nombre de buts que ces deux gars-là ont marqué dans les 10 dernières années, Danny, c'est quand même incroyable. Je pense que dans... Messi a quelques buts de plus que Ronaldo. Il est à 100 quelques buts. Et Ronaldo est à 600 aussi. Je crois qu'il y a 8-10 buts de différence au bout de 10 ans. Il y a une saison de 91 buts, Danny, avec Lionel Messi. C'est le record tout confondu de tous les temps. Là. Ah, écoute, puis il n'y a pas une année de 95 buts, oui, c'est ça? 91 buts. 91. Puis Gretzky n'a fait 92, puis on est au soccer, là. C'est l'équivalent d'à peu près quoi? 145-150 buts au hockey, à peu près? Comment tu dis? Oui, ben je sais pas, oui, probablement, oui, parce que c'est sûr que si on regarderait la plus grosse saison que Wayne Gretzky, on se rappelle, il avait fait 92 buts pendant les séries et les autres matchs, parce que là, on compte tout, hein, on compte les coupes, on compte avec les équipes nationales. Ça serait intéressant de sortir une statistique à ce niveau-là avec Wayne Gretzky au hockey. Voilà. Mais en tout cas, là, on parle de foot avec Messi et Ronaldo, c'est quand même incroyable. OK. Maintenant, on va parler du côté, il y a la Copa América, j'ai parlé, il y a la Ligue des champions également. Ben, il y a la Ligue des champions, Danny, avec, comment je te dirais, les huitièmes de finale qui s'en vient en Europe. Ouais. Et à surveiller, on a de super, février-mars, les huitièmes de finale aller-retour, dont un Liverpool-Bayern, ça va être intéressant, ça. Parce que le Liverpool, depuis, on sait qu'ils ont perdu en finale l'année passée, et là, ils se retrouvent, ils ont joué justement, j'ai écouté le match hier pour la première position de la Ligue anglaise contre Manchester City, la première défaite de l'année de la saison de Liverpool, une défaite de 2-1, tout qu'un match de foot hier, là, ça décalé de Ligue des champions. Donc, on s'attend à un beau rendez-vous Liverpool-Bayern. On a un autre rendez-vous intéressant avec le Manchester United. Ouais, c'est sûr replacé depuis que Mourinho était congédié. Ça s'est-tu replacé du côté de Manchester en Ligue anglaise? Quatre victoires en ligne. C'est la première fois depuis 1946, Danny, ça n'avait pas eu lieu. J'ai vérifié les statistiques un peu depuis le départ de Mourinho. Même Sir Alex Ferguson n'avait pas cette statistique-là. Donc, quatre victoires en ligne. On a réinséré Paul Pogba, le Français, qui a gagné la Coupe du Monde dans le 11 partant souvent. Mourinho le mettait sur le banc. Il y avait une histoire entre les deux. Ça ne fonctionnait pas. Et là, soudainement, il s'est mis à fonctionner. Donc, à surveiller ce huitième de finale-là, Danny, à Manchester United, Paris Saint-Germain, j'ai hâte de voir. Et l'autre huitième à surveiller, Atlético Madrid et Juventus. Ça va être très intéressant parce qu'on sait, Danny, que la finale cette année, au mois de mai, la Ligue des champions, ça va être sur le stade du Wanda Metropolitano. C'est le terrain de l'Atlético Madrid. Donc, on vise gros avec l'Atlético cette année. Quoiqu'en championnat, on a de la difficulté un petit peu. Et il faut rappeler, Danny, que ce stade-là, moi, je l'ai vu avec mes élèves l'année passée, au mois de mai, un stade construit terminé en 2017, je crois. Un super stade, vraiment intéressant. Donc, à voir ces trois huitièmes de finale-là. On a aussi Tottenham, Borussia Dortmund, qui va être intéressant aussi, puisque Tottenham a une belle, avec Harry Kane, l'attaquant anglais, va être intéressant. Et on a Barcelone-Lyon qui, normalement, Barcelone devrait être capable de passer ça. Mais depuis quelques années, on sait que le Barça est fort en championnat, mais depuis 3 ans, de la difficulté, va pas plus loin que les quarts de finale en Ligue des champions. Donc, à voir qu'est-ce qui va se passer là dans les huitièmes de finale jusqu'au mois de mai. La finale aura lieu à Madrid au mois de mai. T'as la Copa América aussi? Pas la Copa América, mais la Copa Europa. Est-ce que tu as su un petit peu plus? Hein? C'est la deuxième? Non, je la suis moi. Elle m'intéresse moi, Danny. Je concentre surtout mes regards sur la Ligue des champions. Ouais. On sait que la Ligue Europa, c'est la deuxième ligue. Tant qu'à ça, la Copa Libertadores est intéressante aussi en Amérique du Sud. Mais je veux dire, les perdants, ceux qui ont terminé troisième en décembre dans la phase des groupes se retrouvent en Europa League aussi. Donc, la finale est intéressante, rendue dans les demi-finales et finales. Mais sinon, ce qui est intéressant, c'est vraiment les huitièmes de finale Ligue des champions. OK. Il y a aussi le Canada. Ça reste toujours 2 ans. Le nom m'échappe. Voyons, c'est plus ou moins un tournoi important. John Edman, avec... tu parles de Canada masculin ou tu parles de Canada féminin? Canada masculin, voyons, le nom m'échappe. C'est un tournoi de 2 ans, là. On a pensé changer la formulation du tournoi. Je ne sais pas ce qui se passe avec la CONCACAF. Il y a beaucoup de changements au niveau des continents, au niveau de la planète. On a vu arriver la Ligue des Nations en Europe. Il y a de quoi qui se passe en Amérique du Nord aussi, CONCACAF, la Ligue des Nations, CONCACAF aussi, qui est en mode changement. Donc, il y a plein de choses là, qui bougent au niveau de la planète foot par rapport à ça. Donc, j'ai peut-être pas tout à fait à jour là-dessus, sauf que ça s'en vient. On va avoir des nouvelles, qu'est-ce qui se passe. On en parlera au fil des semaines. Là. OK, OK. Benoît, Superman, on va faire une pause. On va parler de l'Impact et de la MLS après la pause. Donc, vous êtes à l'écoute d'une entrevue que Benoît Lavoie d'Espace Soccer sur les ondes de Dan Radio Sport. Le personnel et la direction de Météo GBL profitent de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Paix, santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux de l'équipe de Météo GBL qui est un moteur économique important pour le milieu et qui génère plus de 50 emplois. Météo GBL est situé au 550 rue Adélard-Gagnon à Dolbeau-Missassini au numéro de téléphone 418-276-6102. Toute l'équipe et la direction de Salaison Besson désirent remercier sa clientèle de l'encouragement ainsi que la patience qu'ils ont démontré durant les travaux de rénovation qui sont terminés. Venez voir notre nouveau décor qui saura encore mieux vous servir pendant la prochaine année. Joyeux Noël et bonne année de la part de Salaison Besson qui est situé au 313 de quai Dolbeau-Missassini au numéro de téléphone 418-276-0606. Vous avez besoin d'une bonne batterie pour la saison froide qui s'en vient? Eh bien, l'équipe de Batterie Expert saura bien vous conseiller. Nous avons des batteries pour tous les véhicules et pour tous les budgets. L'équipe de Batterie Expert désire également souhaiter de joyeuses fêtes à toute sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année. Batterie Expert, 757 Boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini, 418-979-7812. Monsieur Luc Allard et toute l'équipe des excavations Propel d'Albanel vous souhaitent un joyeux Noël et une excellente année à toute la population et désire remercier sa clientèle pour leur fidélité. Et n'oubliez pas, pour votre déneigement résidentiel ou commercial, les excavations Propel d'Albanel, ce sont eux qu'il faut appeler au 418-279-3118. La direction du club de golf de Chibougamau-Chaparral, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Samedi 5 janvier, 20h, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite des éclairs de Charlevoix au complexe sportif de Dolbeau. Prix du billet seulement 8$. Venez voir du hockey de haut calibre avec des joueurs d'ici. Go Multi Go! On est de retour à danradiosport.com avec notre ami Benoît Lavoie d'Espace Soccer, la référence du soccer au sélection. Benoît, écoute, on a parlé de l'Europe, on a parlé des compétitions internationales. Maintenant, on va se tourner vers la MLS, l'Impact. Et ça commence dans deux semaines déjà le camp d'entraînement. C'est fou comment ça va vite, là. C'est incroyable, ça va être un train d'enfer. À quoi tu t'attends de l'Impact cette année? Jusqu'à maintenant, le mercato d'hiver, ça n'a pas été très mal conclu, mais le mercato d'hiver, il ne faut pas s'attendre à des choses vraiment intéressantes. Ben écoute, Danny, premièrement, ce qui est intéressant... C'est Bakary Sagnac qui est revenu, ça, c'est la belle nouvelle, ça. Oui, mais c'est ça que je voulais t'amener, mais ouais. Je voulais aussi te parler, tu m'as coupé l'herbe sur le pied, comme on dirait, ouais. Comme on dit. Mais je te dirais aussi que ce qui est intéressant de voir l'Impact, c'est que l'arrivée de Patrick Leduc au sein du conseil ouais. d'administration un peu du club, à la place de M. Legendre, Richard Legendre, qui a fait un beau travail, on sait au niveau de la politique dans le temps avec le Parti québécois, l'Impact pour sauver le club. Il y a eu par la suite le développement du club, le stade Saputo, et là, soudainement, on arrive avec un ancien joueur qui était un collaborateur à RDS, travaillait à RDS. Donc, Patrick Leduc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il peut apporter au sein. On sait que c'est quand même un gars du club, ici du club. A souvent fait des commentaires négatifs quand l'Impact n'allait pas bien. Ouais. Et oui, comme tu l'as mentionné, camp d'entraînement le 21 janvier incroyable. En Floride. Oui, c'est rapide, mais quand on parle de la MLS en même temps, on sait que la MLS veut raccourcir son calendrier, veut ouais. terminer. Il va avoir le même nombre de matchs d'année, mais le calendrier, la coupe, la finale de la Coupe MLS va être plus tôt. Donc, peut-être pas au mois de décembre, mais peut-être au mois d'octobre. Donc, déjà, ça va être mieux. Et ça veut dire, Danny, qu'il va peut-être y avoir, au lieu d'avoir juste les matchs le samedi, de temps en temps, il y avait un match dans la semaine, mais ça, on va en avoir plus des matchs dans la semaine. Ça veut dire que l'Impact devra avoir plus de profondeur. Donc, il va falloir que le banc de l'Impact Oui, on a les 11 partants, mais il va falloir que le banc soit performant. Donc, ça nous donne comme information que Rémi Garde devra apporter de la profondeur au club. Comme tu l'as mentionné, on a signé Silva, Sagna, c'est-à-dire, mais là, on annonce Silva que l'Uruguayen devrait partir dans son ancien club au Paraguay, parce que ce club-là, au Paraguay, l'Olympiaco, est en Copa Libertadores cette année en Amérique du Sud. Donc, on parle d'un contrat de 4 millions pour l'Impact. Ça pourrait baisser la masse salariale. Ça pourrait être intéressant pour le club. Donc, c'est plate un peu de le voir partir, Danny, parce que il performait bien avec Ignacio Piatti. Et on sait que Piatti, il a besoin de joueurs alentour de lui pour bien performer. Donc, à voir aussi quelles seront les annonces du club. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'aime voir l'Impact en saison morte. On en parle beaucoup dans les médias. On annonce toujours des choses en novembre, en décembre, en janvier. Donc, l'Impact reste actif sur les réseaux sociaux, reste actif aux médias, les journaux. Le temps des fêtes, dans le temps des fêtes, je pensais que ça, c'est 25 pour 1. On pense que l'Impact n'a pas de couverture, mais beaucoup plus couvert que les Alouettes. Hein? Tu veux ça? Ben, c'est parce qu'il doit avoir du travail de terrain qui se fait par en arrière. La game, elle se joue là, Danny. J'écoutais ta chronique aussi sur par rapport hier. Tu parlais des Canadiens, là, avec que le pourcentage avait peut-être diminué. Peut-être que d'un côté, l'Impact a fait du gros travail aussi, augmente son par rapport à ça. Peut-être que tranquillement, pas vite, aussi les jeunes qui deviennent plus vieux. Il y a tout ça à travers ça, l'Impact et le Club du Québec, quand même, là. Ouais. On sait qu'en région, ils ont du gros travail à faire encore, mais quand même, on sait que le club montréalais, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas fait les séries. Il faut espérer faire les séries cette année. Et puis, moi, je le souhaite. Mais ça avait bien commencé. Hein? Rémi Garde, l'année passée, on en a parlé. Rémi Garde, écoute, c'était au début, ça a pas été du début. C'est important. On dit tout le temps, peu importe le championnat, tu ne gagnes pas nécessairement le championnat en début de saison. Par contre, tu peux le perdre. Puis, on l'a vu l'année. Hein? Oui, ben oui, c'est un peu là que l'Impact n'a pas fait les séries. À 2 matchs de la fin, on avait encore des chances de participer aux séries de la Coupe MLS. Donc, mais il faut s'attendre, Danny, à encore des signatures, des joueurs qui vont revenir, des départs. On parle peut-être même de Mancuso qui partira en Italie. J'ai vu ça hier. Et est-ce qu'on aura un joueur d'attaque? On a un Argentin qui s'en vient aussi. Mais est-ce qu'on aura une nouvelle annonce d'un nouveau joueur aussi? À voir. J'ai hâte de voir, mais je pense que Rémi Garde ne se contentera pas. Il va sûrement faire des pressions au sein de Saputo pour amener d'autres joueurs. Comme tu disais, oui, c'est ça. OK. On va parler maintenant de Cincinnati qui va faire son entrée dans la MLS. Ça va être intéressant. Puis j'ai hâte de voir la nouvelle formule parce que c'était une chose qu'il fallait changer. Puis ça pressait. Puis voilà, c'est maintenant chaud. On va le changer. Donc la Coupe va être disputée en novembre maintenant. Oui, ben en novembre, mais peut-être plus tôt encore un peu. Ouais. J'ai hâte de voir un peu. Tu dis que Cincinnati, justement, l'Impact, le 30 janvier, va faire un match préparatoire contre le FC Cincinnati, justement. Ça va être intéressant de voir ça. Une nouvelle équipe qui rentre dans la Ligue. On a vu la victoire d'Atlanta en décembre dernier en Coupe MLS. Ça fait seulement 2 ans qu'ils sont là. On a le FC Los Angeles aussi, qui avait fait quand même une bonne saison l'an passé, à voir qu'est-ce qu'ils vont faire cette année. Il faut annoncer aussi, donc le premier match de l'Impact à domicile sera le 13 avril au Stade Saputo. On n'a fait plus de matchs d'année au Stade Olympique. Cette année, on se concentre au Stade Saputo. Et le début de la saison de l'Impact se fera aussi le 2 mars à San José. Le premier match, donc TVA Sport nous présentera ça. Puis j'aimerais aussi souligner dans MLS, Danny, il faut parler de l'arrivée de Marc Dos Santos aussi avec le Vancouver Whitecaps. Ça va être intéressant à suivre, ça. Effectivement. Dernier point, tu voulais parler au niveau régional maintenant. Donc, on souhaite évidemment le Dôme cette année, mais c'est politique. Hein. Quand c'est politique, c'est très long. Bien, on souhaite une pelletée de terre, une vraie officielle. On sait que les gens qui avaient le dossier avant la ville dans les dernières années faisaient des annonces, mais il n'y avait rien qui se produisait. Là, on va espérer une première pelletée de terre en 2019. C'est un souhait qu'on a pour les jeunes soccer au niveau régional, au niveau de la ville Saguenay, beaucoup aussi. Est-ce qu'il y aura une fusion des clubs Saguenay de soccer? Hein? Il y a 4 clubs. C'est déjà dans l'air, ce mouvement-là. Je sais que ça s'est fait au hockey, mais l'Abbé, Chicoutimi, Jonquière, Chipcha, on parle peut-être de se rencontrer et de faire une fusion entre ces 4 clubs-là. J'ai déjà des gens qui m'ont appelé pour m'en parler, me dire qu'il y en a qui ne voyaient pas ça d'un bon œil. Alors, c'est à voir un peu pour le développement du soccer régional. Et bien entendu, dans ton coin de pays, dans le haut du lac, je sais, j'ai vu passer qu'à Dolbeau-Mistassini, on parle d'avoir un terrain éclairé. C'est très nouveau. Il y a une subvention qui a été donnée dans ton coin de pays. Ah, je sais même pas. Oui, mais tu fouilleras ça un petit peu, je crois, je t'enverrai le lien. Je crois que ça va être bon pour les jeunes, au moins avoir des matchs en soirée, parce qu'à un moment donné, quand t'as pas de terrain éclairé, ben à 6h, 7h, 7h30, 8h, faut que les matchs se terminent. Et avec un terrain éclairé, ça amène du développement, ça permet de faire des matchs plus tard en soirée et d'amener des gens, peut-être de temps en temps, à, tranquillement pas vite, à amener des gens à écouter des matchs en soirée. Bon, Benoît Lavoie d'Espace Soccer, on se dit dans 2 semaines? Yes! Voilà, donc c'était la chronique du soccer avec notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com.